Hey yo, moustique, pète ton tic, j'écris des trucs de fou malade. En plein cagnard, je suis fou, je canard. J'écris perché sous un arbre, je suis perché sous sa lave. Ouais, je sais, faut que j'arrête d'en parler. C'est plus fort que moi, j'assume, t'assure, je m'en fume plus que Bob Marley. Et y'a pas de quoi se marrer, sérieux moucheron, y'a rien de drôle. Moi je fais ça sans arrêt, qu'est-ce que tu veux, je suis à fond dans mon rôle. C'est qui l'artiste, c'est moi, ouais je sais, je suis mal barré. Y'a une voiture qui gêne, c'est la mienne, souvent mal garée. Souvent gras, bourré, je suis terrible en effet. Je délire en pégué, débite en tété, évite m'embêter. J'ai écrit mon CD parce que je raconte des dingueries sur leur cul, les chemitraides m'ont pégué. Chérie, j'emmène les mots, les emmène en idée, gros. Siste de piste, je te pisse des listes de divers flots. Et dis-leur, gros, je fais ça en vexant les gens. J'sais pas si c'est dû au Mistral, marre des textes dans le vent. Quand Mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les bagos en radio, c'est terrible. J'les pique, c'est terrible. Quand je kick, c'est terrible. Quand Mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les vagos en radio, c'est terrible. Moucheron, c'est terrible, je les pique, c'est terrible. T'es trop laisse, tu te fatigues, reste, je pratique. Teste, tu paniques, laisse. J'écris des bêtes de classique, tête de ma clique. C'est la merde, ça s'agite, de mes tripes, là ça gique. C'est terrible, c'est la gifle, t'es factice, moi je t'évite. Tu veux ma tête merdeux, tête merdeux. T'auras même pas ma tête de bœuf. J'pète le feu, j'rêve d'une Bugatti Veyron. J'ai bu, vas-y c'est bon, si tu gâchis c'est con. J'me bute, vas-y j'ai honte, je lutte, ma vie s'effondre. Et mes vieux démons me hantent, les lieux que je fréquente sont mieux que ce que tu penses, mieux que vos soirées d'enceinte. Ouais au quartier, terrible est l'ambiance. Paisible en tchiham, en kill et en gramme. Ça traîne, envie de femme. Tranquille. Ça pique avant des tailles, terriblement terrible. Comme quand ça descend en Espagne. Oh gros, hala, c'est bon, j'suis allé louer là. Petite C4 gros, on trace en Espagne, vas-y maintenant. Prends ta valise, je pense que chercher autre trace cash. Ouais. Quand Mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les bagos en radio, c'est terrible. J'les pique, c'est terrible. Quand je kick, c'est terrible. Quand Mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les bagos en radio, c'est terrible. Moucheron, c'est terrible. J'les pique, c'est terrible. T'es trop laisse, tu fatigues, reste, je pratique. Teste, tu paniques, laisse. J'écris des bêtes de classique, tête de ma clique. C'est la merde, ça s'agite, de mes tripes, là ça gique. C'est la gifle, c'est terrible, c'est magique, c'est pénible. Tourner en rond, tel un tourniquet. Je l'ai trop fait, j'ai trop faim, c'est à mon tourniquet. Je vais vous torpiller, à mes ordres crier. Je déploie ma horde, j'envoie les MC à la mort prier. Encore une phase, chair de poule, pire qu'une raide de boule. Pendant des heures, je te maintiens raide debout. Espèce de fou, dis-moi, on commence le raid de où. Y'a trop de jaloux, psh. J'évite le raid de mouche. Et c'est terrible, petit MC, t'as pas su suivre. Ouais c'est pénible et c'est ainsi, je me dois te punir. Mauvais élève, sort ton carnet, j'écris un mot pour ta daronne. Elle va comprendre que son fiston n'est pas fait pour le hip-hop. Mais comment vous parlez à mon fils? Mais enfin c'est terrible. Quand mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les bagos en radio, c'est terrible. Je les pique, c'est terrible. Quand je kick, c'est terrible. Quand mouche prend le mic, tout le monde dit c'est terrible. Y'a le groove quand je braille, les gens sont hystériques. Dans les studios, les vagos en radio, c'est terrible. Moucheron, c'est terrible, je les pique, c'est terrible. Oh, franchement, gros, il tue ce morceau. Gros, terrible, hein. Franchement, tu as dit le mot terrible. Gros, c'était mon expression, je suis obligé de le faire. Ah ouais, ouais. Remets-le, remets-le, hein. Moucheron, ouais. Tu connais, remets-le. Hein. Vas-y, terrible.